Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue ou tranquille dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, oubliez Moby Dick, une série d'Aline Pénito réalisée par Gilles Mardi-Rossian. Au départ de cette série, il y a des vieilles histoires de baleines tueuses qu'on voudrait battre en brèche et l'envie de rencontrer des licornes et de dérouler les histoires entortillées à la corne du narval. Alors pour commencer, les personnages. Une océanographe américaine, une documentariste navigatrice, un ethnologue inuit, une grand-mère narval, un conservateur qui remonte le temps, une conservatrice sur une piste et un taxidermiste. Ensuite, le décor. Un bateau en Antarctique, des orques, des bélugas, le Groenland, des trous dans la glace, la pêche au harpon, un vieux mythe, un musée, un trésor et des hydrophones. Aujourd'hui, troisième épisode, on passe un coup de fil. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, vous m'entendez ? Bonjour ! Bonjour ! Alors, Kate Stafford, vous êtes à la fois biologiste et physicienne. Vous êtes océanographe au département de physique appliquée de l'Université de Washington à Seattle. Oui. Vous travaillez principalement sur la faune sauvage des pôles. Oui. Et puis, vous débarquez tout juste d'une campagne océanographique à bord de l'Investigator. C'est ça, c'était une campagne en Antarctique. Et j'ai suivi l'Investigator parce qu'il y avait une webcam sur la casquette du bateau. Et il y a un moment où elle s'est déconnectée. Ça a duré plusieurs jours, on était très inquiets. Ma mère aussi. C'est ça d'être une exploratrice polaire. Et puis, il y a aussi des histoires qui restent à bord. Vous racontez tout quand vous rentrez ou il y a des choses, des histoires qui restent dans le bateau? Ah bah toujours. La pudeur du narval, un documentaire d'Aline Pénito réalisé par Gilles Mardi-Rossian. On va partir à l'autre, de l'autre côté de la Terre, on va aller maintenant au pôle Nord, en Arctique. J'ai traversé le passage du Nord-Ouest à la voile il y a une dizaine d'années. On est parti d'Alaska et on est arrivé au Groenland, donc par le pôle Nord magnétique, par le passage du Nord-Ouest. Et on a vu énormément d'espèces terriennes ou marines, mais des ours, on a vu des morses, des phoques, je crois une baleine boréale, mais je suis pas sûre, des orques, mais pas de narval. Et à la toute fin, quasiment la toute fin du voyage, on traverse un détroit. On arrive à Matimatalik, donc Pontinlat. Et là, on était sûr de voir des narvals, parce que c'est un endroit de reproduction qui est assez connu. Et puis, on n'a toujours pas vu de narval. Et pourtant, là, on a voulu nous vendre dedans. Et puis, on a traversé le détroit de Davis pour arriver au Groenland. Et au Groenland, moi, j'ai discuté très longtemps avec un chasseur, là-bas. Et il m'a invité à manger de la soupe de narval. Vous avez mangé ? Pas de narval. J'ai mangé du beluga et puis baleine boréale. On mange ce qu'on peut. Dernièrement, à Paris, j'ai discuté tout ça avec un ethnologue qui est spécialiste des rapports entre les Inuits et les animaux, qui s'appelle Vladimir Renda. En fait, il raconte que son père est chasseur. Il a commencé à chasser à 11 ans. Son père lui a donné un fusil. Et son père lui a appris à chasser le phoque, les oiseaux, tous les animaux. C'est même tard, à 11 ans. On commence beaucoup plus tôt. Ah oui. Normalement, c'est à 6 ans, à peu près. On commence la petite proie. On commence comme une sorte de marmotte. Des oiseaux, etc. Et même les premiers phoques, on commence beaucoup plus tôt. Enfin, le système de classification zoologique est assez simple parce que la faune est relativement peu nombreuse. Il y a la catégorie englobante qui s'appelle Oumayuit, ceux qui vivent. Et après, vous avez les Pisuktit, c'est les mammifères marins qui marchent, les marcheurs. Et leur équivalent aux marins, c'est des Puyites, ceux qui émergent de l'eau pour respirer. Ils sont obligés de remonter périodiquement à la surface pour prendre de l'air. Même s'ils vivent sous la banquise, alors il y a plusieurs façons de faire. Les phoques sont capables de rester tout l'hiver, en tout cas le phoque annelé, parce qu'ils creusent des trous de respiration. Il y a plusieurs trous de respiration et il fait le tour des trous pour venir chercher de l'air. Et c'est là où l'attend l'ours ou le chasseur in. Il y a des cétacés comme le narwal ou le beluga qui sont obligés de chercher des fissures, des craquelures dans l'hiver, dans la glace. Les baleines se retrouvent coincées, prisonnières de la banquise. Elles se rassemblent dans des parfois quantités 100, 200 animaux qui se battent pour avoir accès à l'air. Et c'est là, les gens, ça s'appelle safsat, et les gens en profitent pour en tuer beaucoup. Le mot narval vient d'un mot en vieux norrois, donc en vieux scandinave, disons, qui désigne, donc la racine val, c'est la même qu'en anglais whale, c'est baleine, et narval, c'est littéralement la baleine cadavre. Le gros problème du narval, c'est que c'est un animal qui vit sous la calotte glaciaire, ou en limite de calotte glaciaire, et qui donc va migrer avec la calotte. Ce qui fait que pendant très longtemps, en fait, les hommes ne rencontrent, en tout cas, les Européens ne rencontraient pas de narval, en tout cas de narval vivant. Il faut savoir que les mammifères marins, quand ils se décomposent très vite, ce qui fait que quand ils vont être découverts, on a l'impression de voir des choses qui souvent n'ont rien à voir avec un dauphin ou une baleine. Quand on n'a pas besoin de préciser, on dit très la lougarque, mais on ne sait pas si c'est le beluga ou le narval. Mais quand on a besoin, on a envie de préciser, il y en a un qui va être la lougarque, le blanc, c'est donc c'est la couleur qui va différencier. Le beluga, il est blanc. D'ailleurs, étymologiquement, beluga, ça vient du russe belucha, bieli, blanc. Et le narval va être après la lougarque, le noir. Même s'il n'est pas noir, il est tacheté. Donc, on va les distinguer comme ça. Donc, on va appuyer sur une autre particularité, c'est la possession de la défense. On peut l'appeler aussi Tougarlik, celui qui a une défense. Donc, quand on dit Tougarlik, on sait qu'on parle du narval. De toute façon, ce qui est absolument évident, aucun animal n'est pensé seul en lui-même. C'est toujours par rapport à d'autres. Toujours. Comme dans le cas du narval et du beluga, il y a de véritables paires, c'est-à-dire c'est systématiquement, on va les mettre ensemble. Un des charmes du narval et du beluga, parce que ce qu'on apprécie le plus chez lui, c'est la peau. Mais la peau, entre guillemets, c'est plus que la peau, ce qu'on appelle maktark, ce que vous avez dû manger, mais sous la forme bouillie peut-être, oui. Qui est le plus apprécié, creux, tout de suite sous le champ. Je me souviens, je veux un chasseur de mes connaissances, donc on a sorti le beluga, on l'a coincé entre deux canaux, il avait tellement envie ce morceau qu'il n'a pas attendu que le beluga soit hissé sur la rive, et avec son couteau, il a coupé l'extrémité de la nageoire, il a commencé à mâchouiller, tellement c'était fort, c'était irrésistible, il ne pouvait pas résister. Et donc, c'est ce qu'on appelle un maktark. Alors, on est quelque part dans le Nunavut. Pour situer un petit peu tout le monde, on est au nord de la baie d'Hudson. Oui. On n'est pas encore arrivé dans le dédale d'île qui va être le c'est passage pas du Nord-Ouest. Arctique, non. On est juste à cette limite un petit peu fine. Et là, on trouve des narvals, des belugas. Vous êtes là. Et qu'est-ce que vous constatez parmi la population? Je constate cette extraordinaire excitation où les gens peuvent parfois perdre un peu le contrôle. Et des gens montent sur les canaux avec des harpons, donc on commence à tirer. Et l'idée, c'est d'épuiser l'animal, c'est-à-dire de l'obliger à replonger, en fait, à raccourcir les séquences de respiration pour qu'il monte à la surface. Il est blessé maintenant à coup de carabine et après, il est harponné. Là, quelque part, l'esprit, il est concentré sur une seule chose. Ouais, je pense que c'est vraiment une montée d'adrénaline et aussi de jubilation. Et pour des jeunes, c'est une façon aussi d'essayer de harponner pour la première fois. C'est pas facile du tout. Vous étiez sur le bateau à ce moment-là de la chasse? Sur un des bateaux. On était une vingtaine de bateaux qui fonçaient avec des gens. Il y avait des jeunes, des moins jeunes, des vieux, mais souvent des jeunes qui étaient... Les capitaines étaient à la commande et des hommes jeunes... Souvent avec des cheveux, des jeunes, avec des cheveux longs dans le vent, avec des gestes extrêmement à la fois jubilatoires et très forts. On sent le bonheur et en même temps peut-être un peu d'anxiété. Est-ce qu'on va louper? Est-ce qu'on va porter le coup? Le harpon, il a évolué ou c'est toujours... Bien sûr qu'il a évolué. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas s'en passer. Alors que... En ce qui concerne les animaux, les mammifères terrestres, le fusil a remplacé complètement l'arc. Il n'y a plus d'arc depuis peut-être des années 20 ou des années 30, en fonction des régions. Alors que l'harpon, il a gardé toute son importance. C'est quelque chose qui permet de toucher un animal et de le retenir et de l'empêcher de couler. Donc le harpon, il continue à être utilisé, mais conjointement avec le fusil. Vous dites que les ados, les jeunes, ont les cheveux longs? Certains, très très longs encore. On n'a pas peur que ça parte avec le... Et je ne sais pas si ces jeunes-là s'ils connaissent encore le mythe, ou si ça leur fait référence, effectivement. Mais c'était une femme, hein, c'était pas un homme. Ah oui. Ah, ça change tout. Un matin, la grand-mère réveille brutalement Tarkrik. Dépêche-toi, fainéant. Tu n'entends pas tout ce bruit autour de toi? Les Hilalugait, les Belugas sont arrivés. Il ne faut pas rater cette occasion. Enfile ton pantalon et ta parka et prends le harpon. Nous partons. Espérons que nous pourrons au moins en attraper un petit. Quand ils arrivent sur la plage, la grand-mère enroule la corde du harpon autour de ses hanches. Je vais t'aider à hisser le Beluga hors de l'eau lorsque tu l'auras harponné. Mais comme je ne suis pas assez forte pour retenir un beluga adulte, il faut que tu en harponnes un petit. Laisse-moi guider ton bras vers le jeune beluga que j'aperçois là-bas. Mais plutôt que de choisir la petite baleine, Tarkrik lance son harpon vers un énorme mâle. La pointe se fiche solidement dans la tête de l'animal qui, sous l'effet de la douleur, se met à nager encore plus vite. La grand-mère n'a pas le temps de se dégager de la lanière du harpon. Entraînée par le beluga, elle est emportée loin dans le sillage de l'animal. La vieille femme réapparaît de temps en temps à la surface. Et avant qu'elle disparaisse définitivement, les enfants ont juste le temps de voir ses cheveux se torsader le long de la corde du harpon et se figer en une longue défense d'ivoire. C'est ainsi que la grand-mère s'est transformée en Tougaalik, en narval. Possiblement, on a une dent, une tête, le corps est absent, ça va alimenter une légende immense. Et puis c'est une dent qui vient de la chasse, mais possiblement aussi des chouages. Tout à fait. Lorsque on va voir apparaître les dents de narval sur le marché en Europe, mais aussi en Asie et en Afrique du Nord, dans tout le vieux monde, l'ancien monde, on ne sait pas ce que c'est. On a de ça un témoignage au XVIe siècle où un amiral envoyé par Élisabeth Ière pour ouvrir le passage du Nord-Ouest, donc ce grand mythe que l'on allait pouvoir passer de l'Est à l'Ouest du double continent américain par le Nord. Donc cet explorateur tombe sur un cadavre déchiqueté de ce qu'il va considérer comme étant une licorne de mer. Et du coup, nos Groenlandais vont, à côté des défenses de Morse, exporter des défenses de narval qui vont être commercialisées comme étant des cornes de licorne. À la même époque, on trouve aussi une carte incroyable, hein, oui, qui décrit vraiment une licorne de mer. Vous pouvez nous raconter cette carte ? Alors, peut-être aussi la décrire. Olaus Magnus est un évêque scandinave qui a écrit une histoire des peuples scandinaves, mais il a aussi fait une description de la mer qui entoure en fait la Scandinavie, description qui est accompagnée d'une carte qu'on appelle la Carta Marina. C'est une carte assez extraordinaire qui représente donc tout le nord-ouest de l'Europe, plus une petite partie de l'Asie de l'extrême nord, et qui est peuplée à la fois d'animaux côtiers et d'animaux marins. Et on a tout le répertoire des animaux marins que l'on s'attend à trouver à cette époque, c'est-à-dire des animaux réels, mais aussi bien des animaux fantasmés. On va trouver le dragon de mer, on a un cochon de mer, on a un sanglier de mer, et on va avoir la licorne de mer. Simplement, Olaus Magnus n'a jamais vu un narval. Il va nous représenter une tête de cheval avec une corne de narval qui en sort et qui dépasse à peine de l'eau. Les marins, il y a ce qui se passe en mer et ce qu'ils racontent en descendant à terre. On va trouver, par exemple, cette vieille idée que les baleines attaquent les bateaux, une idée qui doit remonter à Job et qu'on retrouve au moins jusqu'à Pinocchio, que la baleine va se faire passer pour une île. Les marins un peu soupçonneux accostent l'île et la baleine en profite pour descendre sous l'eau en entraînant les pauvres marins, généralement le bateau avec son ancre aussi, pour dévorer tout le monde une fois qu'elle est arrivée au fond de l'eau. Finalement, cette idée qu'on va retrouver, d'ailleurs je disais Pinocchio, mais c'est aussi cette idée de la baleine agressive, c'est aussi l'idée fondamentale de Moby Dick. Il y a quelque chose qui est complètement incroyable dans votre parcours, Kate, c'est que vous êtes aussi diplômée en littérature française médiévale. Vous avez passé une année à Paris. C'est incroyable. Et est-ce que vous êtes allée au musée médiéval de Cluny ? Malheureusement, j'ai jamais appris la langue d'oeil. Mais à Cluny, si j'ai vu le dent, ou ce qu'on appelle la défense narvale, ça m'a vraiment fait penser de ces histoires, de ces mythes et médiévales, mais qui existent toujours sur cette histoire du narval et de la licorne. Et là-bas, j'ai rencontré Xavier Decto, qui est un des anciens conservateurs, qui travaille maintenant au Muséum d'Histoire Naturelle d'Édimbourg, et Béatrice de Chancel Bardelot, qui est la conservatrice en chef. La dent du musée médiéval, elle est arrivée comment jusqu'à nous ? Donc cette dent de narval est attestée à Saint-Denis seulement à partir de la fin du XVe siècle. On n'a pas de vraies traces antérieures. Et la première mention, c'est par un voyageur de langue germanique qui dit l'avoir vu dans le cœur. Il y a deux façons de le voir. Il y a la réalité et la légende. Ensuite, au début du XVIe siècle, on commence à avoir des mentions dans les inventaires du trésor de Saint-Denis. Et donc, on la voit effectivement dans le cœur, posé dans un petit support métallique, apparemment. La réalité, c'est une défense de narval qui est attestée dans les tombes du trésor de l'abbaye de Saint-Denis à partir de la fin du XVe siècle, uniquement, et donc avec la Révolution française, la dispersion est finie au musée de Cluny. Au XVIIe siècle, en revanche, elle est mise dans un placard dans une chapelle, donc elle n'est plus à l'honneur dans le trésor. Et donc, elle est mentionnée dans les textes comme ayant 6 pieds, 6 pieds et demi de long. Alors, elle semble avoir perdu un peu de hauteur entre 1534 et 1634. Il y a derrière ça une légende qui veut que cette défense de narval, cette corne de licorne, soit un des cadeaux envoyés par le calife Haroun al-Rachid à Charlemagne au IXe siècle, avec un éléphant blanc, avec d'autres choses. Et il y a un membre de la Ligue, le duc de Joyeuse, je crois, qui a voulu s'en emparer pendant les troubles qui ont suivi les guerres de religion, et les religieux de Saint-Denis ont réussi à ce qu'il ne s'en empare pas et donc à la préserver dans le trésor. Ça correspond tout à fait à l'imaginaire de la licorne qui veut que... Généralement, la licorne est vite à 3 jours de marche d'ici. C'est un peu comme les cannibales. Il y en a, ils sont pas loin d'ici. Vous pouvez toujours... Vous les rencontrerez jamais, mais il y en a. La licorne, c'est pareil. Et c'est toujours un peu plus à l'est ou un peu plus au sud. Donc, qu'elle arrive par Harun al-Rachid à Charlemagne, ça a un sens dans l'esprit de la légende. Difficilement saisissable. Les textes qui la mentionnent dès l'Antiquité s'accordent sur un point. C'est un animal hybride. Au 1er siècle après Jésus-Christ, pour Pline l'Ancien, savant et écrivain romain, la licorne a le corps du cheval, la tête du cerf, les pieds de l'éléphant, la queue du sanglier, une seule corne noire qui se lève au milieu du front. Mon cœur non plus pointe. Magnifique, hein. Chaque fois je la vois. Alors on l'a nettoyée un petit peu et la pointe est cassée, recollée en fait. Et puis il y a une petite zone où il y a eu une petite abrasion. Mais sinon, oui, c'est un objet magnifique. Et d'ailleurs, les historiens de Saint-Denis au XVIe, XVIIe siècle disent que la corne de Saint-Denis, on en voit... Enfin, c'est la plus belle qui soit en France et même d'ailleurs dans les royaumes environnants. On ne peut pas en voir de plus magnifique. Mais c'est la torsade qui semble très, très fine, très ciselée. Et c'est vrai qu'elle est... Elle est très belle. Enfin, là, on a la comparaison avec celle qui est prêtée par le musée de la chasse et de la nature, qu'on est très content d'avoir, mais qui est peut-être moins polie par les ans. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont caressée aussi, oui. Je ne sais pas. J'en sais rien. Hein. C'est... Vous ne l'avez pas touchée? Ah si, je les ai touchées toutes les deux, mais je n'ai pas pris le temps de les comparer, de faire une comparaison comme ça. Et au Moyen-Âge, on appréciait cette blancheur et ce caractère très, très exceptionnel. La licorne figure également dans la version médiévale de la Bible. En hébreu, l'Ancien Testament mentionne un réhem, une sorte de bœuf sauvage. Dans la traduction en grec, cet animal a perdu une corne, il est devenu monokéros. La version en latin a logiquement traduit le grec par unicornis. Ainsi, les deux sources qui font autorité au Moyen-Âge, les récits des sages de l'Antiquité et la Bible, ont alimenté la croyance en l'existence de la licorne. Au XVe siècle, en fait, il y a vraiment la grande montée en puissance des emblèmes, des insignes, etc. Et donc, les grands personnages se choisissent souvent des animaux, alors pas totémiques, mais qui vont les représenter et incarner en quelque sorte ce qu'ils imaginent être leur vertu, leur qualité. Et donc la licorne a beaucoup de qualités pour cela, puisque c'est un animal très rare qu'on voit exceptionnellement, qui est blanc, donc la blancheur c'est la pureté. La licorne est réputée courir très vite. Elle a cette réputation aussi donc, de pureté, de purification. Donc il y a un certain nombre de gens qui vont se saisir de la licorne, comme Charles VI. Et puis tous les grands, ou le pape, ont leur dent de narval, leur corne de licorne, donc pour servir d'antidote. Antidote ? Antidote à quoi ? Au poison, à la crainte de l'empoisonnement qui est assez forte à la fin du Moyen Âge. Il vainquit un combattant, mais se vêtant lui. Quant aux propriétés de contrepoison de la corne de licorne, Hildegard von Bingen, qui est donc la première à faire une description avisée zoologique de la licorne, qui dépasse le physiologus, qui dépasse les dimensions spirituelles pour s'intéresser à la vie de la licorne, mentionne plusieurs utilisations médicales de la licorne, mais ce qu'elle va mentionner, c'est la peau de licorne, dans laquelle vous faites des chaussures si jamais vous avez mal aux pieds, le foie de licorne en poudre, qui est souverain contre les maladies de peau, mais absolument pas la corne. La seule chose qu'elles nous disent de la corne de la licorne, c'est que sous la licorne a une pierre semi-précieuse rouge qui n'a pas grande valeur. Donc la corne de licorne est, au début dans la pharmacopée persane, au moins dès le Xe siècle de notre ère, un contrepoison, quelque chose que l'on va pouvoir utiliser pour se guérir du poison et pour guérir bien d'autres maladies d'ailleurs. On râpe la dent. On la réduit en poudre, effectivement. Alors, on la met dans la... Il y a deux façons d'utiliser la corne de licorne, en fait, ou le khoutou, comme on va le trouver appelé en perse. Ces deux façons sont soit d'avoir un outil, souvent un couteau, en corne de licorne, et la légende veut que cette corne de licorne se mette à suer si elle est en présence de poison. Si vous utilisez votre couteau pour manger et qu'il se met à transpirer, c'est mauvais signe, vous ne mangez pas. Mais je pense que l'usage le plus fréquent, c'était d'avoir des petits tronçons et on en râpait un peu comme de la noix muscade pour la mêler aux aliments solides et les purifier. Et ça marchait. Peut-être. Vous avez essayé ? Ah non. Personnellement, je n'ai pas de... De râpe à licorne ? Non, je n'ai pas de morceau de dent de licorne, de dent de narval ou de corne de licorne. J'ai une râpe à muscade, mais c'est tout. Alors, c'est quelque chose qui va durer très très longtemps. Au XVIIe siècle, on a fait des expériences pour voir si la licorne était vraiment un contrepoison ou pas. Et ? Ça dépend. Ambroise Paré, le grand chirurgien du roi et père de la médecine française, a voulu voir si la licorne était un contrepoison effectif. Pour faire ça, il a pris une corne de licorne, donc une dent de narval, et un animal supposé venimeux. Il a plongé la corne de licorne dans de l'eau, plongé l'animal dans l'eau pour voir si la corne de licorne tuait l'animal. Il lui fallait un animal venimeux amphibie. Donc qu'est-ce qu'il a pris ? L'animal qui était considéré comme le plus venimeux à l'époque, un crapaud. Donc il a démontré que la corne de licorne ne tuait pas le crapaud. Le problème, c'est qu'évidemment, le crapaud n'est pas venimeux. Capture en mettant une jeune fille vierge dans la forêt et l'odeur de la virginité attire la licorne qui vient poser sa tête dans le giron de la jeune fille et les chasseurs peuvent s'en approcher et la capturer ou la tuer. Sur la question de savoir comment capturer une licorne, donc une légende qu'on trouve en fait au moins dès le Physiologus, donc un traité de zoologie chrétienne du 3e siècle de notre ère, et que la licorne ne peut être capturée que par une vierge. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans énormément de textes, et notamment en Occident, dans la première description avisée zoologique de la licorne, qui est celle que va donner Hildegard von Bingen. Cela dit, Hildegard von Bingen y rajoute un détail qui m'embête toujours de citer parce qu'il est extrêmement sexiste. En même temps, Hildegard von Bingen est une des figures de proue du féminisme, donc c'est l'idée que, certes, la licorne ne peut être capturée que par une vierge, mais il faut que la vierge, il faut qu'elle soit nubile, mais pas trop âgée, donc il faut qu'elle ait entre 12 et 18 ans, parce qu'après, c'est plus une vierge, c'est une vieille fille, et c'est pas la même chose. La question n'est pas tant celle de la virginité, d'ailleurs, que celle de la jeunesse, qui dégage, selon Hildegard von Bingen, une odeur spécifique qui attire la licorne. Faut pas prendre une vieille nonne, quoi. Faut prendre une jeune encore. C'est un peu. C'est difficile à raconter. Le début du commerce de la corne de licorne, il passe par l'Europe, mais ils se dirigent d'abord vers la Perse et vers la Chine. C'est en Perse et en Chine qu'on les recherche d'abord pour faire donc tous ces contrepoisons. Et c'est dans un deuxième temps, parce qu'il y a des contacts en fait entre la pharmacopée perse, pharmacopée arabe, pharmacopée byzantine, pharmacopée d'Europe de l'Ouest, que l'idée de cette corne, d'un animal n'ayant qu'une seule corne et capable de guérir le poison, voyage jusqu'en Occident et déclenche le goût pour la corne de licorne. Kate Stafford, est-ce que vous savez qu'une partie des animaux exposés au Muséum d'Histoire Naturelle proviennent de la collection du duc d'Orléans, qui a vécu à la fin du 19e et au début du 20e, c'était la grande époque des voyageurs naturalistes. Et dans ses expéditions, il a rapporté une dent de narval. Alors, vous ne saviez pas ? Non. Mais il y a une espèce de modèle, non, qui était fait avec le narval là. Peut-être qu'on peut demander à Jacques Cuisin, directeur des collections de la Grande Galerie de l'Évolution, ce qu'il sait du duc d'Orléans. Alors, le polaire, pour lui, ça va venir progressivement avec un premier yacht qu'il avait acheté, qui s'appelle la Marussia, et avec lequel il va faire ses premières armes, finalement, dans les mers polaires, en 1904. Mais c'est vraiment avec la Belgica, qui est un voilier spécialement conçu pour les expéditions extrêmes, puisqu'il a été fabriqué pour la recherche scientifique et l'expédition antarctique du Royaume de Belgique. Donc Philippe d'Orléans va le racheter, ou on va lui offrir, j'ai lu un peu les deux choses. Enfin bref, il va en tout cas naviguer quelques années sur ce navire, qui avait déjà fait une campagne en Antarctique. Ouais, premier bateau à avoir hiverné en Antarctique. Oui. Déjà très très marqué historiquement. Alors historiquement, mais techniquement surtout, parce qu'il faut pouvoir résister. On avait eu auparavant des tentatives d'hivernage telles que Shackleton ou des choses comme ça. Pas mal de drames finalement également. Là, c'est un bateau qui va résister, qui va revenir, après qui va resservir plutôt en Arctique qu'en Antarctique. Mmh. Mais en tout cas, les deux premiers voyages avec la Belgica, en fait, vont être consacrés essentiellement à des observations scientifiques. Donc on est sur une nature qui est extrêmement vierge, extrêmement préservée. Le narval, il va venir après ces campagnes-là. On est dans une époque, généralement parlant, de connaissance du monde. Peu avant la lettre, je vous l'accorde. Les explorateurs scientifiques et les explorations à visée commerciale sont parfois un peu les mêmes. Mais on a quand même vraiment, en tout cas en France, on a eu cette dimension très forte qui va se terminer vers début des années 1890, mais de ce qu'on a appelé les voyageurs naturalistes. Dans ce paysage, si vous voulez, scientifico-naturaliste de la fin du 19e, tout le monde est très lié. Les scientifiques des musées, les voyageurs naturalistes, les pourvoyeurs, parce qu'on va les appeler comme ça, d'objets d'histoire naturelle, et lorsqu'on parle des mers du Nord et lorsqu'on parle du narval, on parle également d'une grande rareté qui a initié effectivement les aspects mythiques à l'époque médiévale, à la Renaissance un peu. Le mythe va progressivement devenir réalité scientifique, mais la rareté fait que la défense de narval et son ivoire restent de toute manière des objets d'un très grand prix. On les a d'ailleurs plutôt montés pour elle-même, je dirais, ses défenses, parce qu'il est excessivement difficile de naturaliser des organismes marins sans poils. On trouverait d'ailleurs aucune trace de baleines naturalisées. On trouve parfois des dauphins naturalisés, mais dans un état, on peine à reconnaître un dauphin quand même. Une seringue géante est créée pour injecter la résine plastique durcissante et rigidifier l'ensemble de l'animal. Et de faux yeux sont réalisés. Enfin, l'épée retrouve sa couleur d'origine. Finalement, ressuscité et présenté au public dans la grande galerie de l'évolution du Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour. Bonjour. Allez, Marie-Jean. Responsable de ce magnifique lieu. Alors, je m'appelle Christophe Gottini. Je suis ce qu'on appelait dans le temps, mais c'est plus tout à fait le cas, le chef taxidermiste. Donc je gère cet espace ici et ça fait plus de 47 ans que je suis au muséum. Voilà, donc je suis, on va dire, pratiquement un des plus anciens techniciens encore en activité au muséum. Alors là, on voit des plumes, on voit des poils, mmh. on voit des carapaces. Oui. Et on comprend bien que si on veut faire quelque chose avec un animal marin, ça devient un petit peu compliqué. Pourquoi ? Tout ce qui est mammifère marin, il y a un petit souci. Pour la bonne raison, c'est que la peau du mammifère marin est très très fine, que le reste, ce sont des matériaux dont on n'a pas besoin, c'est-à-dire ce qu'on appelle la couenne, ce qu'on appelle l'épiderme. Ce qu'on... Vous avez essayé, vous ? Oui, j'ai essayé 2-3 fois. Et... Avec quelle espèce ? Avec des dauphins, des petits dauphins communs. J'ai pleuré. Il y a peut-être aussi autre chose, c'est-à-dire que la dent de narval, torsadée, très longue, très belle, un ivoire magnifique, un corps horrible. Grossier. Je vous le refuse pas, mais finalement, encore une fois, si on reste dans une approche strictement zoologique, le corps est ce qu'il est. Il faut garder en tête que sur cette époque de description de la nature, l'éventuelle disgrâce du corps ne compte pas. Et sur des masses comme ça, parce qu'il faut quand même garder en tête qu'un grand mâle de narval, on est sur du 4,50 m, 4,70 m sans la défense. Et donc, il y a encore quelque part aussi probablement les restes du mythe de la licorne. Et c'est quoi le mythe de la licorne ? C'est la défense, c'est pas le corps. Lorsque vous avez le corps, vous avez l'organisme entier, donc la connaissance. Le mythe tombe. Et si vous n'avez qu'un morceau, vous pouvez continuer à échafauder et à élaborer des choses sur lesquelles une partie de votre culture s'est fondée sur les 3 ou 4 siècles précédents. Il y a des mythes en histoire naturelle, mais aujourd'hui encore. Et il en faut, sinon on ne progresse pas. Je le connaissais avant parce que ce narval était entreposé dans l'entrée de l'ancienne galerie, donc fermée au public. Il n'y avait que les chercheurs et quelques étudiants qui erraient de temps en temps dans ce lieu. Et ce narval était juste à un endroit assez dangereux, c'est-à-dire que la lumière était quasiment inexistante. Il y avait quelques ampoules dans la galerie en 110, donc qui éclairaient d'une façon très intime. Et ce narval était positionné juste à l'endroit où on était obligé de passer pour aller dans nos anciens bureaux. Régulièrement, on se cognait dedans. Mais la corne du narval, la dent du narval, était encore dessus. Donc, au bout d'un moment, on en a eu assez. Donc, on a commencé à la protéger, à l'entourer. On voulait à tout prix la protéger parce qu'on ne la voyait pas dans le noir. Et régulièrement, on se cognait dedans. Et puis, un jour, on s'est dit, mais on est bête, on va la bouger. Donc, on a retiré cette dent de narval. On a vu comment elle était. On s'est aperçu que c'était un original qui était dessus. Et on l'a rangé un peu mieux. Et puis, un jour, on s'est aperçu que quelqu'un l'avait bougé. Donc, elle avait été repérée. Et qu'elle pouvait disparaître du jour au lendemain, parce que dans cette galerie, il y avait vraiment des passages secrets que beaucoup de voleurs connaissaient, et on voyait bien qu'il y avait quelques visites nocturnes un peu dangereuses. Donc on a pris cette dent de narval, et on l'a cachée à l'époque dans mon laboratoire, mon ancien laboratoire. Et au moment du transport des spécimens pour permettre les travaux dans la grande galerie, on a récupéré cette dent, et elle a été stockée dans le lieu où on a restauré tous ces spécimens. Après, on a restauré ce narval. On s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait absolument aucune peau de narval. Il n'y avait pas d'élément de peau dessus. C'était entièrement un plâtre. Mais on ne le savait pas à l'époque. C'était caché. Donc on a commencé à le restaurer. Et il a fallu beaucoup de temps et beaucoup d'interventions extérieures de spécialistes parce qu'on n'était plus dans de la taxidermie. On était en train de réparer un plâtre, ce qui n'est pas la même chose. On a remis la dent. On l'a présenté dans la grande galerie, là où il est actuellement. On a remis la dent d'origine, ce qui nous paraissait évident à l'époque, parce qu'on voulait présenter de l'original. Jusqu'au jour où on s'est aperçu que quelqu'un avait essayé de l'enlever. De nouveau, ouais. De nouveau. Donc là, oui, la valeur de la dent de narval était montée. Et voilà, il y avait des prédateurs potentiels. Donc une première fois, on l'a resolidifié, on l'a réinstallé. Et la deuxième fois, on a dit, on arrête. On a pris cette dent. Et en fait, on a fait des tirages en résine extrêmement fidèles et on a présenté sur ce narval qu'une copie de la dent d'origine. Et la dent d'origine est en collection en zoothèque, à l'abri, dans le coffre-fort du muséum, là où sont stockés des milliers de spécimens. Qu'est-ce qui se passe si elle subit un choc ? Elle peut casser, mais elle ne se régénérera pas. En tout cas, elle va continuer à pousser un petit peu, mais vous ne récupérerez pas la taille initiale. Les traces qui ont été laissées, et on en trouve des gravures sur des journaux de la fin du 19e, par exemple, toujours un peu dramatique, avec des narvals qui ont planté leurs dents dans des canaux en bois et qui sont restés coincés parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas s'en dégager. Et donc, les marins qui ne veulent pas couler ou être entraînés vers le fond tuent l'animal à coups de hache ou à coups de ce qu'ils ont dans le canot. Je pense qu'il y a quand même eu des canots qui ont été entraînés vers le fond. C'était quand même pas de tourpeau. Hein. On est sur une nature non pas hostile, mais dans laquelle l'homme ne sait pas se débrouiller. Si on prend les esquifs qui étaient fabriqués justement par les Norvégiens ou les Danois, on est sur une épaisseur, enfin, on parle de canopotier, sur une épaisseur de lame de sapin. Donc c'est quand même pas super, super robuste. Quoi. Sachant que les narvals sont susceptibles de se réfugier dans des fjords un peu profondément, il y a forcément des gens qui ont coulé, ça c'est sûr. Alors, on rentre dans la grande galerie, on traverse... On peut traverser, on va traverser par le milieu marin. Voilà, là je vous parlais, vous voyez, ces spécimens de mammifères marins. Donc voilà, le dugong, le dauphin ici, les trois dauphins qui sont là-bas, sont forcément des artefacts. Oui. Alors il est où notre narval ? Il est dans le monde polaire, donc la partie arrière. Il est juste derrière cette vitrine là-bas. Voilà le narval. Wow. Donc c'est un spécimen assez monumental quand même. Combien de mètres de long, la dent, le corps ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... On est à 6 mètres 50 avec la dent, oui. La dent, elle fait plus de la moitié du corps, en fait. Hein. Oui, elle représente plus de la moitié du corps. Et elle est insérée dans le crâne sur à peu près 25 cm. Et c'est sur un côté du crâne ? C'est sur un côté, c'est pas tout à fait centré. Oui, en fait, ce sont les deux qui se sont réunis, mais légèrement décalés. On n'est pas dans l'axe précis. Les vents, d'ailleurs, qui se trouvent dessus, n'est pas dans l'axe. Ah, oui. Parce qu'en fait, ce sont les deux narines qui se sont regroupées en une, mais légèrement décalées. Alors la dent, elle sert à plusieurs choses. Ce sont essentiellement les mâles qui en portent. Quelques femelles sont connues pour avoir développé des dents. Bref, la dent est donc un attribut des mâles, et donc en tant que tel, ce qu'on appelle un caractère sexuel secondaire, c'est-à-dire ça sert à identifier les individus entre eux. Faut pas oublier que les narvals vivent quand même en grandes bandes, parfois de plusieurs centaines d'individus. Et comme chez tous les animaux grégaires, et les primates que nous sommes en savent quelque chose, il faut pouvoir s'identifier entre individus. La dent, elle sert aussi, alors bon, elle sert parfois à se battre, en tout cas à se mesurer, plus que se battre, entre mâles au moment de la recherche d'un partenaire sexuel, à l'époque de la reproduction. Et puis elle va servir également à renseigner l'animal, en partie sur son milieu, là où il est. Puisque en fait une partie de cette dent est spiralée, torsadée. Et en fait, il y a un certain nombre de terminaisons nerveuses qui sont au bout des petites fissures que l'on discerne. Alors elles sont où, ces terminaisons nerveuses ? Elles sont à l'intérieur de la dent, à l'extérieur de la dent ? Et rappelez-vous de vos dents, enfin de nos dents à nous, qui sont des organismes vivants et donc pourvus d'un réseau nutritif et nerveux. Et en fait, la différence chez nous, c'est qu'on a des tables de mastication et donc qui doivent être robustes. Là, on n'est pas du tout sur une fonction telle. Et donc ces terminaisons nerveuses sont à l'extrémité de cette structure finalement torsadée, sont réunies au centre de la dent, dans ce qu'on appelle le cilium pulpaire, même chose que chez nous, hein, les racines des dents contiennent des cilium pulpaires, et tout ça c'est relié au cerveau. Avec tout ce que ça a de sensitif. Absolument. Donc du coup là il y a une somme incommensurable de sens qu'on a pu imaginer, présupposer ou vérifier. Alors vérifier, on est au bord de la vérification depuis une quinzaine d'années, parce que vous aurez bien compris que c'est pas très évident de pouvoir mener une expérimentation en direct sur l'animal. On sait que l'animal est renseigné sur la profondeur à laquelle il est, en fonction de la pression qui va s'exercer, température de l'eau, probablement vitesse du courant, etc. Enfin bref, on est sur un GPS embarqué, quoi. Et alors, il y a une tête un peu ronde. Oui, alors après, on sait maintenant, parce qu'on a repéré plus facilement, on a beaucoup de documents, on a beaucoup de films sur les narvals, on sait que la façon dont le sculpteur l'avait fait à l'époque, le nez est un peu rond. Voilà, mais ça fait partie de son histoire. C'est pas une erreur anatomique, c'est la façon dont lui le voyait. Alors, est-ce que le crâne est encore partiellement à l'intérieur ou pas ? On ne peut pas le savoir, parce qu'il faudrait le démonter, et ça, hors de question d'y toucher. Je pense qu'il y a une partie du crâne, en tout cas pour l'insertion de la dent. Je pense qu'il a gardé une partie. Il y a un corps qui est ventru, grossier, presque, on a du mal à imaginer qu'il soit aquatique, et une dent d'une élégance absolue. C'est complètement ambivalent. C'est pour ça que c'est une chimère. Mais c'est une chimère naturelle, mais c'est une chimère. Il peut y avoir des caries sur les dents ? Non, dans la mesure où on n'est pas sur un phénomène de mastication. Et chez nous, la carie, elle apparaît à partir du moment, très essentiellement, à partir du moment où on va consommer des céréales et des céréales qui vont être modifiées. C'est-à-dire à partir du moment où on consomme du pain. Donc des céréales fermentées. Et un narval, ça mange quoi ? Alors un narval va se nourrir, c'est un carnivore, qui va se nourrir de petits animaux, parce qu'il lui reste quand même plus grand chose comme rangée masticatoire. Il lui reste que quelques dents sur chaque demi-mandibule, chaque hémimandibule. Donc on va être sur des petits organismes marins, en général des invertébrés marins. La migration, ce qu'on appelle la migration des narvals, elle suit très essentiellement le déplacement des bancs de nourriture, comme pour finalement tous les cétacés. Et puis tous les pinnipèdes également. Est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose d'un peu fou, un narval qui s'échoue quelque part en Arctique, qu'on mette dans un congélateur, qui arrive jusqu'ici, et qu'on arrive à conserver et qu'on regarde depuis un congélateur ? On peut toujours... Alors, c'est étonnant ce que vous me dites, parce que finalement, là, vous êtes en train de réécrire un scénario à la Jules Verne, quelque part. Puisque l'approche, évidemment, de congélation, alors on le fait, mais plus pour des organismes, ou alors en tout cas pas pour des temps longs. En revanche, aujourd'hui, une partie de la recherche s'effectue à partir de tissus qui ont été congelés, ou qui sont préservés en azote liquide. Mais là, on est sur l'extrêmement petit, on est très loin de notre narval. On pourrait imaginer, et après on peut imaginer une histoire, des esprits chagrins vont vous rabattre vers de la logistique qui va être très compliquée. On peut parler de navires-usines aussi. Enfin, en tout cas, on a une technologie aujourd'hui qui nous permettrait cela. Après, il y a un autre élément qu'il faut considérer, en tout cas surtout dans une approche muséale et de recherche. On va le faire, et on va le faire pourquoi ? Est-ce qu'on le fait dans un but juste de conservation, préservation, en disant bah finalement toute la nature est en train de foutre le camp, alors allez hop, on prend les derniers, on garde tout pour la demi-éternité qui reste. Enfin bref, il faut qu'il y ait quand même un sens à la collecte. Philippe d'Orléans a donné un sens à sa vie en donnant un sens à sa collection. Et effectivement, je pense que par le biais du musée qui a été construit après son décès, cette volonté-là a perduré. Et puis il en reste encore des traces aujourd'hui en grande galerie de l'évolution et dans les collections du muséum. Mais après, préserver pour préserver, j'en sais rien. C'est peut-être aussi cette tâche d'encyclopédisme qui a initié l'histoire naturelle à la Renaissance et qui a motivé en tout cas la frénésie, je pense qu'on peut employer le terme, frénésie de collecte du 19e siècle sur tous les continents. Alors gardons les dents et le mystère. Je pense qu'il faut garder des mystères, c'est important. ne sont pas seulement des éléments de culture, mais ils sont des éléments de construction pour nous aussi. Mystère est important. Toujours. Kate, vous avez vu, vous, des narvals ? Non, je n'en ai jamais vu. Et pour moi, c'est une espèce de graal. Je les ai entendus. J'en ai beaucoup entendu. Je les ai étudiés avec leur son acoustique, mais je n'en ai jamais vu. Et dans le détroit de Davis, entre l'extrême nord du Canada et l'ouest, le sud-ouest du Groenland, vous avez posé des hydrophones, des microphones marins fixes. Alors, pour moi, les outils acoustiques, c'est très utile. C'est même peut-être plus utile que voir les animaux, bien que j'aime bien voir les bêtes. On écoute le narval Fram 2. Top. Et ces cris que vous venez d'entendre, c'est des clics qui sont tellement proches, l'un à l'autre, tellement près, l'un à l'autre, que ça devient un creak, hein, au lieu d'un toc, toc, toc, toc. Et ça, c'est ce qu'ils utilisent pour se nourrir et naviguer. Le narval, l'espèce narval, elle est en danger ? Pas pour le moment, non. Il y a environ 80 000 narvals. Le narval, c'est une espèce assez timide. Et puis, c'est une espèce qui a des habitudes assez fixes. C'est-à-dire qu'ils vont d'un lieu à un autre avec la même saisonnalité d'une année à l'autre. Ils vont toujours dans le même lieu. Et si ce sont des lieux qui changent beaucoup, il va falloir savoir si ils arrivent à s'adapter. Enfin, à mon avis, les belugas, ça s'adapte facilement, les belugas. Ça mange un peu n'importe quoi. Les narvals sont les plus sensibles au changement climatique en Arctique. La défense du narval, ça c'est un mystère intéressant de notre imagination. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour assurer que les narvals continuent à exister et non comme des licornes dans les musées? La pudeur du narval, un documentaire d'Aline Pénito réalisé par Gilles Mardi-Rossian. Avec Kate Stafford, Vladimir Randa, Xavier Dectot, Béatrice de Chancel Bardelot, Jacques Cuisin et Christophe Gottini. Vous partez dans 3 jours en Arctique ? Oui. Vous venez d'arriver d'Antarctique, vous repartez directement en Arctique. En effet, je vais en Arctique mardi pour mettre des mouillages acoustiques pour montrer la migration estivale des baleines boréales. Musique Émilie Lechner et Antoine Agorge de Caméra C. Voix Céline Espardelier. Vous allez où exactement ? Un village qui s'appelle maintenant Utqiagvik, qui appelait le village de Barrow, Alaska. C'est un village inuit. Ah oui, vous le connaissez. Oui, je suis passée par là. Oui. Oui. C'est au-dessus du cercle polaire, c'est le village le plus nord du continent américain. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Très étrange. Endroit très étrange. Prise de son, Stéphane Beaufils, Claire Levasseur, Gilles Mardi-Rossian et Aline Pénito. Mixage, Pierrick Charles. LSD à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour nous réécouter au Groenland, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vona Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, 4e épisode, la réponse de la baleine à bosse. Mais en attendant, restez à l'écoute.